Les fêtes, ça fasse comme n'importe quoi. Ça fait partie du plaisir de la vie. Ça dépend comment ce que t'es vie, ben. Moi, je sais bien que si j'étais seul, les fêtes, tu sais, ben, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai des amis. Fait mes fêtes, pour moi, c'est pour ma fille. Fait qu'à toi et Noël, je fais un arbre de Noël, j'en fais un coca, il est haut. J'en fais un vrai, puis j'ai jamais diminué. Au contraire, elle m'a grandi. Fait que depuis qu'elle est petite, elle a son arbre de Noël. Fait que les fêtes, pour elle, c'est un plaisir. C'est une joie. Ça fait partie de la joie de vivre, les fêtes. Mais ça dépend comment est-ce qu'on les vit. Il y a des gens aux fêtes qui se noient, qui se mettent en dette. Puis le jour après les fêtes, il faut qu'ils payent les dettes. T'sais, on vit astralement les fêtes. Puis qui c'est qui fait de l'argent, c'est Shaitan. J'ai rien contre les fêtes, mais ça, j'ai rien contre rien. Vous le savez, je parle jamais contre rien. Mais je dis tout le temps à regarder de l'autre bord. Mais on vit trop astralement, on vit pas dans notre esprit. Les fêtes, c'est une belle période parce que tout le monde relaxe, les gens ont des bonnes vibrations. En général. C'est le fun. Tu te fais donner un petit cadeau, ça. Ce cadeau-là. Mais, faut pas que tu vives trop astralement. Sans ça, tu vas te payer des dettes. Puis, tu sais que la journée de la pire de l'année, c'est dimanche. Après. C'est le 25 Noël. La pire journée de l'année, c'est le 25 Noël. Après. Pour ceux qui fêtent ça le 24 au soir, c'est le lendemain matin. Ceux qui le fêtent le premier, mais c'est le deuxième. C'est le 2. Il y a toujours une dépression. Après. Les fêtes, c'est comme le sexe. Quand tu n'es plus. Tu t'attristes. Mais les choses ont moins d'importance. Ça a moins de. Mais si tu le vis de même, les fêtes, tu mets plus d'énergie. Quand tu vois le monde qui vit dans les magasins, plus ils font là. Mais c'est ça l'ego. Mais si tu vis des fêtes en esprit, mais à ce moment-là, les fêtes, c'est plaisant. Mais ça ne vide pas. Tu te retrouves pas avec 2 500 $ de dette après, 2 jours après. Tu fais plaisir à la parenté. La parenté est arrivée. Vous allez commencer à vivre ça. L'esprit, vivre en esprit. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est vivre en esprit. Vivre en esprit, vous allez. Plus vous vivez en esprit, moins vous sentez votre ego. Mais ce passage de l'ego à l'esprit, ça peut apporter pour certains une certaine joie de vie. Pour d'autres, ça ne pourrait pas créer des malaises physiques, ce débalancement de fait qu'on ne pense plus pareil. Plus que chez certains, des débalancements physiques. Pour la santé. Le passage de l'ego à l'esprit crée des changements vibratoires dans tous les corps. Mais les changements vibratoires d'un corps sont toujours bons. S'il y a des débalancements physiques, c'est parce qu'il y a des réactions émotives au niveau de l'ego qui empêchent que le passage se fasse d'une façon simultanée. Simultanée sur tous les plans. Alors, il y a des plans qui travaillent trop fort et des plans qui travaillent moins fort. Il y a pas, c'est pas raccordé l'énergie. Il y a trop d'énergie dans le mental où il n'a pas assez. Il y en a trop dans l'émotionnel puis il n'a pas assez dans le mental. Où il y en a trop sur le plan direct, il n'a pas assez. Alors, l'énergie n'est pas égale. Parce que quand l'énergie est égale, ça remonte, tout monte en même temps. Parce que des gens, c'est un corps qui monte ou c'est l'autre corps qui monte, puis l'autre, quand il monte, mais il affaisse l'autre, puis c'est pas ajusté. Jusqu'à temps que ça s'ajuste. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent de ces phénomènes matériels que j'appelle lorsqu'ils sensibilisent. Qu'est-ce qu'on peut y faire à ce moment-là? Vous ne pouvez rien y faire. Il faut que vous viviez jusqu'à temps que ça se tasse. Ça dure longtemps, des fois. Des fois, ça dure longtemps. Des fois, tu restes croque pour un bout de temps. Mm-hmm. Jusqu'à temps, tu croques. Ouais, à ce moment-là, tu fais descendre une autre énergie. Tu sais, oui, encore, ça revient toujours à la volonté. Toujours à la volonté. C'est très fort, l'esprit. Puis quand vous vivez en esprit, là, vous devez être capable de jamais vous inquiéter. Mais tu peux pas. C'est pas un corps de désir là, qui fonctionne, là. Quand tu es capable de ne pas t'inquiéter là, de quoi que ce soit, là, à ce moment-là, automatiquement, tu changes la vibration de tes corps. Mais j'en parle pas de ça, parce que les gens sont pas assez mûrs. Les gens, s'il faudrait que je dise au monde, là, quand tu es en esprit, là, comment il fait le cancer, ça ne rend rien. La première chose que tu sauras, c'est qu'il y a des gens qui se laisseraient mourir. Ben, c'est bien beau dire quand tu vis en esprit que tu peux changer les vibrations de tes corps, mais il faut que tu puisses vivre en esprit. Si tu vis au niveau de ton corps de désir, fais attention. Tu peux frapper un nœud. Fait que t'es mieux d'aller voir un médecin. Quand t'es en esprit et que tu vis en esprit, tu sais que tu vis en esprit par toi-même, à ce moment-là, ton esprit va te faire agir de telle façon en relation avec la condition de tel corps, de tel corps, de tel corps. Pas ton corps de désir. Si vous avez le malheur de vous servir de votre désir pour éliminer votre cancer, vous allez finir à l'hôpital. Mais quand vous êtes en esprit, à ce moment-là, c'est l'esprit qui dicte la vibration à tout vos corps. À ce moment-là, okay, vous avez n'importe quel mal, ça va se passer. Mais vous êtes déjà dans la foi de votre esprit. La foi de votre esprit, ce n'est pas la foi dont vous connaissez, vous autres. La foi de l'esprit, c'est votre certitude parfaite et absolue que tout est correct. Mais ça fait partie de ton esprit. Tu l'as, cette affaire-là, hein, quand tu as ton esprit réellement très développé. Fait qu'en attendant, vous êtes venu aller voir les médecins. Puis pas croire au miracle. Ça me fait penser là-dessus, moi, il essayait de me poigner pas mal souvent. T'sais, un point ici, au foie, là, il essayait de me dire, bon, ben là, t'as mal au foie, va voir un rédacteur. T'sais. Là, je disais, non, ça poigne pas. Ça s'en allait. C'est venu jusqu'en dernier, là. La dernière fois qu'il a essayé, c'était des bleus un peu partout. Là, je disais, bien, il essayait de me faire peur avec ça. Quand je l'ai réalisé, à fin de compte, d'où ça venait, au début, ils m'ont poigné, j'ai eu peur un peu. Après ça, ça s'en allait. Tout il faut que tu fasses avec eux autres, toujours les coller contre le mur. Tout le temps les coller contre le mur, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps les coller contre le mur. Tout le temps. Je manque de volonté. C'est là que tu vas développer ta volonté. C'est comme ça que tu développes ta volonté. Coller toujours contre le mur. Mais je sais quand c'est dangereux. Ouais. Quand tu vis en esprit, tu n'as pas besoin d'autres esprits pour te parler. Quand tu vis en esprit, ton esprit est vibratoirement en harmonie avec l'énergie de la lumière. C'est ça dans le fond, vivre en esprit, être en esprit. C'est être dans la lumière constamment, constamment, constamment, constamment. Fait que tu n'as pas besoin de yo-yo qui te parle et qui te dise quoi faire. C'est un, cette affaire-là. Il y a un rapprochement entre le haut et le bas qui est total. L'ego et l'âme, c'est un. Plus vous êtes en esprit, plus vous vous rapportez toujours à vous-même. Pas à vous-même au niveau de l'ego, à vous-même au niveau de votre esprit. Il n'y a plus de doute dans l'esprit. Le doute n'existe pas dans l'esprit. L'esprit, c'est calme. Puis l'esprit, quand vous êtes dedans, c'est assez puissant que ça dirige toutes les activités de votre personnalité. Toute la gang. Des fois, votre ego va essayer de se combattre un petit peu contre votre esprit, là. Puis là, vous n'allez pas être sûr. Puis après ça, ça passe. C'est comme un mal de ventre, ça passe. Comprenez-vous, vous dites? Quand tu es dans l'esprit, tu as automatiquement le discernement. Quand tu es dans l'esprit, tu es discernement. Plus tu es dans l'esprit, plus tu es discernement. Mais il faut que tu t'habitues à ne pas te douter. Pour en arriver au discernement, il faut que tu en arrives à t'habituer à ne pas te douter, puis pas te douter, puis pas te douter. Autrement dit, pas jouer le jeu de l'ego. Parce que tous les hommes ont un petit peu d'esprit en eux, mais ils s'en servent pas pantoute. Ils servent de l'ego. Vous savez, quand ils ont bien souffert, là, qui n'ont plein de casse, qui se sont rebellés, là, qui commencent à travailler et fonctionner au niveau de leur esprit. Là. C'est l'homme, l'esprit. L'ego, c'est pas l'homme. Vous allez voir ça un jour, si vous passez dans les directs, que c'est l'homme, c'est l'esprit, pas l'ego. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'esprit de l'homme, plus tard. Je vais vous expliquer la différence entre l'ego et l'esprit. Même, on va vous l'expliquer tout de suite. L'esprit de l'homme, c'est un petit peu ou beaucoup de sa conscience éthérique. Mais l'homme ne voit pas. La conscience éthérique de l'homme, le corps éthérique de l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Alors, plus l'esprit grandit, plus vous formez votre corps éthérique. Plus l'esprit est fort, plus l'ego est faible, plus le corps éthérique se développe. Fait que l'esprit de l'homme, le contact entre l'âme et l'ego, c'est le corps éthérique. L'âme et l'ego, c'est tenu ensemble par une enveloppe qu'on appelle le corps éthérique. C'est ça l'esprit de l'homme. Mais il faut qu'il soit grand l'esprit de l'homme pour être suffisamment authentique. Ah, c'est intéressant. Le corps éthérique de l'homme est authentique quand le corps éthérique de l'homme n'est pas perturbé par l'astralité. Autrement dit, au stade où vous êtes, là, si vous feriez l'expérience de votre corps éthérique, là, vous ne seriez pas si c'est astral ou éthérique. Ce serait flou entre les deux. C'est pour ça que vous avez jamais de vision claire et pure et certaine de telle chose. Parce que vous êtes. C'est pas sûr si c'est astral ou si c'est éthérique. Mais avec le temps, ça devient séparé, ça, l'éther de l'astral. Ce qu'on appelle l'astral. Il n'y en a plus de ça. Fait que là, c'est un éther. Là, t'es au bout du bout. Là, t'es dans ton esprit. Ton esprit n'est pas contaminé par l'astral. T'as pas d'astralité dans ton esprit. Parce que ton ego est effacé et il est uni à ton âme. Là, tu fonctionnes, Charles. Là, tu l'as dit, ça va même. Puis c'est votre petite souffrance, tous les jours, aux situations qui vous amènent à construire ce corps éthérique-là, qui est votre véhicule, éventuellement, pour pénétrer dans les dimensions invisibles de la matière. Faites attention à votre ego. Checkez-les votre ego. Regardez-les votre ego. Quand il y a une autre couche au-dessus de votre ego, qu'il y a une partie au-dessus qui se développe, qui semble être totalement abstraite, totalement impersonnelle, totalement non égoïque, non astrale, où il n'y a pas de corps de désir, où la vie est plate, là. Quand votre vie commence à être plate, c'est un grand signe. Elle commence à être importante. Mais tant qu'il y a trop de fun, votre vie n'est pas bonne. C'est pas la vraie vie encore. Parce qu'il n'y a pas de fun dans la vie de l'esprit. Il y a rien que la joie de vivre. C'est pas du fun, la joie de vivre. Du fun, c'est astral. La joie de vivre, c'est l'esprit. C'est pour ça que j'ai déjà dit, l'enthousiasme, c'est pas bon. Les gens qui vont au forum, là, ça crie là, comme des vrais sauvages, des vrais romains, c'est pas bon, c'est l'enthousiasme. C'est bon pour le forum. Mais pour l'homme qui s'individualise, c'est pas bon. Parce qu'il astralise ses énergies, il se passionne. Il n'y a pas de passion dans l'esprit, il n'y a rien. C'est rien que la joie de vivre, l'esprit, c'est la paix, l'esprit. Fait que si ça bouille trop dans vos veines, il y a trop de fun, puis c'est trop... comment est-ce que vous dites ça? Au bout, puis c'est trop dans le vent, puis ça... pas bon. Mais ça veut pas dire de vous planter comme des clous au coin de la rue. C'est pas ça que je veux dire. Continuez à vous faire aller de main. Et un jour, ça va ralentir. Mais pendant que ça ralentit, énervez-vous pas. L'ego, il a peur de se couper de la vie. Mais dans le fond, il a peur de se couper de la fausse vie. Fait que si votre vie devient plate, c'est un bon signe. Continuez de même. Puis après ça, ça va se retasser le mélange. Ensuite, elle s'occupe. Elle va être saine, elle va être réelle, elle va être calme. Puis ça va être la paix dans votre esprit. Là, vous allez être bien. En attendant, bien, vous traversez le Rubicon. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Je vous le dis des mois d'avance. Quand ça arrive, bien. Puis après ça, vous n'êtes plus tout seul. Comment ça va à la demande? Ça va être éclat. Mais pas plate! Elle est plate quand vous êtes seul parce que vous n'avez pas encore assez d'énergie créative pour la rendre pleine, mais pas plate. Des fois, elle semble être plate. Mais quand on est ensemble, qu'on se parle, elle n'est pas plate. Puis un jour, par vous-même, seul, elle ne sera pas plate. Qu'on vous parle ou qu'on ne vous parle pas, elle ne sera pas plate. Parce que vous allez dans votre esprit. Quand tu es dans un esprit, c'est un savoir. Le savoir, c'est quand tu parles, ça vient. Quand tu parles pas, ça vient pas. Moi, je suis smart parce que je vous parle, si je vous parle pas. Je suis avec pas que je suis smart. C'est parce que je parle que je suis smart. Heureusement que j'ai fait des séminaires, j'ai jamais su que je suis smart. Mais quand tu parles, là, nous t'arrives des fois que je parle, là, pour parler à tout le monde. Puis à un moment donné, je m'aperçois que c'est pas ma voix. C'est pas où c'est fait. C'est un changement vibratoire d'envoi. Souvent, quand l'esprit connecte, quand l'esprit fait une connexion, quand vous devenez créatif, la voix change. Et ça, c'est pour sensibiliser votre personnalité à votre ego qui se spiritualise au niveau de la conscience de l'âme. C'est normal. Parce que moi, quand je vais en France, là, ma voix change. Je m'en vais à Paris, il ne me croit pas que je vais être Québec, Montréal. Quand je vais à Paris, t'enlève, ça marche. Là, je vais faire rire, je reviens à Montréal. Je parle en canadien, là. Là, ils trouvent ça drôle. Puis ça dure quelques minutes, puis ensuite, je reviens encore à Paris. Ça marche. Il change ma voix. Si je vais en Allemagne, il change ma voix. En Espagne, il change ma voix. La voix a différentes tonalités, différentes langues. Mais quand j'étais inconscient, je fonctionnais de même, je ne le savais pas. Des fois, je partais à parler en français, à la française, comprends-tu? Puis je me disais, qu'est-ce que je fais là? Je me pensais que j'avais des complexes de supériorité. Ma voix changeait tout le temps. C'est quand j'ai été contacté, j'ai su que ça se passait parce que ça fait partie du don des langues. Mais au moins, aujourd'hui, au niveau de l'ego, mais j'en souffre plus. Mais dans ce temps-là, ça me fatiguait, cette affaire-là. Donc, qu'est-ce que j'ai qui est pas croche? Qui est croche? Il se passe des affaires avec nous autres à faire le contact. Parce qu'on est préparé, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est de même. Parce que moi, il y a qui m'ont dit ça, que ma voix changerait quand je tombe. Ouais. Genre, du moment que tu ne tombes pas dans l'affaire des dons des langues, des charismatiques. L'énergie, elle s'ajuste. Faut pas l'exporter en coin. De toute façon, il faut une bonne cigarette. Des players, je peux, peut-être. Non, j'en ai une. Je m'en ai J'ai mis l'emphase ce soir dans la conférence sur. Merci, tu veux les cancers? J'ai mis l'emphase ce soir sur l'affaire du monde des esprits. Parce que cette-là, je vais apprendre. Tu sais, j'ai laissé avec Richard, avec Maurice, mais là, je vais apprendre et je vais éliminer les parties grasses dedans. Là, tu vas l'éditer, celle-là. Tu vas y redonner après pour qu'elle passe. À Québec, à Rimouski. Est bien importante, cette partie-là. Que ça s'imprime une fois pour toutes dans le mental des gens. Ce que je veux dire. Parce que vous ne saurez jamais rien d'eux autres. Jamais. Si l'humanité avait eu à savoir d'eux autres, l'humanité aurait reçu depuis très longtemps, depuis des millénaires, que l'homme aurait su, que l'homme aujourd'hui serait conscientisé. fait longtemps qu'ils marchent, eux autres, avec là. Les Romains à la pagaille sont passés pour le monde des esprits. Ouais. Des fois, ils gagnaient les batailles, des fois, ils en perdaient. Quand je vous dis qu'on est extrêmement ignorant sur le plan matériel, un jour, vous allez comprendre. C'est pour ça que l'antidote à cette ignorance-là, c'est toujours que l'ego se prenne comme il est, puis qu'il avance avec ce qu'il est, avec son armure, petit à petit, mais vous enlevez des pleurs, vous enlevez des pleurs, vous enlevez des pleurs, vous enlevez des pleurs. C'est des trous dans votre armure, c'est pas grave. Mais faut que vous le sachiez, ça. Parce que votre ego sert. Votre plan de vie sert. La sorte de vie que vous avez sert. Votre corps sert. Votre personnalité sert. Pour la transmutation de l'ego en esprit. Si vous êtes bien cute, ça sert pareil. Si vous êtes pas cute, ça sert pareil. Tout sert. Mais il faut que vous autres, vous partiez du point de vue. Certain que ce que vous êtes, c'est ça, c'est final. Puis pas vous juger, puis vous comparer, puis vous traumatiser pour rien, puis vous créer ce que les psychologues appellent des complexes d'infériorité, puis des complexes de supériorité, puis des complexes de tout. Les vibrations automatiquement vont changer. Si vous partez de ce point-là, les vibrations vont changer vos corps, vous en arrivez, petit train va loin, à un état où vous allez être bien dans votre peau, vous cassez le pied à la tête. Y en a-tu qui ont des questions sur cette conférence-là, soit, qui ne comprennent pas? Gênez ou fou jamais avec. Quand on est ensemble. Si vous n'avez pas de questions, ça marche. Si vous n'avez, gênez-vous pas. Juste m'expliquer, c'est comment ils sont les plans. Tu parles de plan, l'astral, puis le mental. Inquiète pas de ça. Non, je sais, je m'inquiète pas de ça, mais c'est que. Je te l'explique pas. Non, t'as pas besoin de comprendre. Parce que si tu commences à t'intéresser à ça, là, tu vas pouvoir comprendre comment ça marche, puis tu comprendras vraiment comment ça marche, parce que pour comprendre comment ça marche, il faut que tu ailles dedans. Puis quand tu iras dedans, si tu y vas dedans, tu vas savoir comment ça marche, puis tu vas être pris des illusions de ces plans-là, anyway. Fait que je vais être tout te refaire encore la même patente. Occupe-toi pas de ça. Occupe-toi pas de la philosophie de l'invisible. Occupe-toi pas comment ça marche l'autre bord. Occupez-vous pas de l'invisible. Vous n'avez pas à vous occuper de l'invisible. Vous avez simplement à vous occuper de vous-même. Puis petit à petit, vous allez rentrer dans l'invisible. Mais cette fois-ci, vous allez rentrer les yeux ouverts dans l'invisible au lieu de rentrer dans l'invisible comme des chevaux avec des ornières. Puis vous faire prendre dans toutes les niaiseries, toutes les singes qui sont de l'autre bord, qui sont pognés, qui sont prisonniers de l'espace pendant que nous autres, on est prisonniers. Qui sont prisonniers du temps pendant que nous autres, on est prisonniers de l'espace. Occupez-vous pas de l'invisible. C'est des tendances naturelles de l'ego, ça, de s'occuper de l'invisible. C'est pour ça que les gens sont pognés avec ces affaires-là. Occupez-vous-en pas de l'invisible. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin de ça. Au fur et à mesure que vous allez vous conscientiser, si vous avez à rentrer dans des plans, si vous avez à faire certaines expériences, vous allez faire ces expériences-là. Mais occupez-vous-en pas au niveau de votre intellect. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Ça va vous retarder plus que d'autres choses parce que ça va vous faire créer une forme dans votre mental. Occupez-vous de vous autres. Occupez-vous de comprendre ce que je vous dis concernant votre ego, vos personnalités. Occupez-vous même pas de votre âme. Occupez-vous jamais de votre âme. Ça vaut pas. Vous n'avez pas à vous occuper de votre âme. C'est trop subtil, votre âme. C'est dans les terres que vous saurez qu'est-ce que c'est votre âme. Mais sur le plan matériel, occupez-vous des aspects de la psychologie de l'homme qui est invisible à l'intelligence de l'homme. Occupez-vous des points de référence qui vous amènent à vous conscientiser, à changer les vibrations de vos corps. Parce que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Même pas de savoir, mais de vivre. C'est des changements vibratoires, des changements vibratoires, des changements vibratoires. Les changements vibratoires, c'est la lumière qui descend, la lumière qui descend, la lumière. Puis c'est ça que vous avez besoin. Fait que vos corps s'ajustent, le corps mental s'ajuste, le corps émotionnel s'ajuste, votre vie change, vous vous sentez un petit peu plus centrique, un petit peu plus centrique, un petit peu plus dans votre esprit, puis un petit peu plus... Puis c'est rien que ça que vous avez besoin de savoir. Le reste, vous n'avez pas besoin de ça. Ça va vous nuire plutôt que d'autres choses. ceux qui ont dû, ceux qui ont eu à savoir ça, ils en ont fait l'expérience, ça leur a servi dans le passé pour en arriver un jour à se sensibiliser à des états d'esprit qui leur permettraient de plus facilement absorber certaines choses. Puis ça, ça fait partie de leur expérience. Mais même si on vit que ça, ils sont obligés de le vivre aujourd'hui d'une autre façon, dans ce sens qu'ils sont obligés de réaliser que ça aussi, c'est une illusion. Comprenez-vous ce que je veux dire? Fait qu'occupez-vous-en pas de ça. Puis à part ça, vous, vous êtes jeune, vivez votre vie, prenez-vous pas trop sérieux parce que vous êtes sérieuse. Prenez-la légèrement, votre vie. Vous l'appelez trop sérieux, votre vie. Prenez-la légèrement, votre vie. Si vous allez à l'école, puis votre petit chum, vous voulez sortir de la classe, puis le prendre par la main, mais prenez-les par la main. Commencez-vous pas en tête avec l'autonomie. Occupez-vous. Occupez-vous pas de ce que je vous dis. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand vous vous occupez de ce que je vous dis, vous faites une forme avec ça. C'est pas bon. Et vous écoutez ce que je dis, éventuellement, ça se développe. Mais si vous vous occupez de ce que je vous dis, vous créez une forme, puis vous vous bloquez encore. Occupez-vous pas de ce que je vous dis. C'est pas important ce que je vous dis. C'est vibratoire ce que je vous dis. Mais si vous mettez de l'importance dans ce que je vous dis, vous allez créer des formes automatiquement. Ça devient des boulets de canon. Là, tu vas vouloir être autonome, là, ton petit chum, il veut tenir la main, là, puis tu voudras pas y tenir la main parce que tu veux être autonome, tu veux être indépendant. C'est pas ça. Tiens la main si tu veux y tenir la main. C'est plus le fun de tenir la main que de pas y tenir la main. Il se passe quelque chose entre toi et lui quand tu y tiens la main. Ça vibre. C'est le fun. C'est plaisant. Bon, tiens la main. Quand tu n'auras plus la vibration pour y tenir la main, ben, tu n'auras plus la vibration pour y tenir la main. Mais c'est encore la vibration, puis tu veux être autonome, mais c'est pas bon, tu vas te couper en deux. Tu vas être une petite fille en amour puis une petite fille initiée. Hey, c'est pas bon, ça. Vas-y. Vas-y, vas-y. Vis ta vie. Faites vos affaires. Si vous êtes au stage du zizi, vivez-les votre zizi. Quand vous serez au stage, vous vivrez d'autres choses. C'est ça que je vous dis. Occupez-vous pas de ce que je vous dis. C'est pas important ce que je vous dis. C'est vibratoire ce que je vous dis. Et là, l'importance de ce que je vous dis dans la vibration, pas dans la forme que vous allez créer, que vous allez, à laquelle vous allez vous attacher si vous prenez, si vous en occupez trop. C'est pas bon? C'est pas bon? Mais moi, jamais de jujube de même devant moi. Grande malade. Je l'applique. Imaginez-vous qu'on a été éduqué à comprendre. On doit être instruit à ne rien comprendre. C'est dur, ça. Le passage de l'ego à l'esprit, c'est ça. L'ego veut comprendre, l'esprit n'a rien à comprendre. L'esprit, il saisit toute la vibration. L'esprit, c'est vibratoire. L'ego, c'est structuré psychologiquement. L'ego fonctionne avec des formes. L'esprit est en dehors de la forme. Sans ça, vous allez devenir des vrais saints. Puis les saints ont tout souffert. Ils sont tous dans l'astral aujourd'hui. Ils sont tous dans le monde des esprits. La Sainte-Vierge est à souvenir, la Sainte-Bruno n'est pas venue, hein? C'est par vibration que je vous transmets l'énergie de mon esprit. C'est pas par les mots, c'est par les formes des mots. C'est tout par vibration. Heureusement, c'est le même. Sans ça, je t'aurais formé toute une école. J'aurais été un vrai gourou. L'autre, il met une grosse chaise, il fait exprès. Mais quand je suis arrivé à soir, là, je suis assis d'une grosse chaise de même, là, il y a une vibration qui me passe. Au lieu de me mettre une petite chaise, une grosse chaise, pour moi, c'est une forme. Mais ça marche, là, parce que. Mais ça me fatigue pareil. Parce que une grosse chaise. Si les gens. D'abord, il n'y a pas de problème avec vous autres. Mais la forme est là pareil. La vibration de moi assis d'une chaise de même qui vous parle, puis la vibration de moi assis d'une chaise comme ça, c'est pas pareil. C'est pas une vibration. Physiquement, je suis plus à l'aise là. Mais psychiquement, je suis bien plus à l'aise, c'est. Il mène tout, il se faudrait que j'aille dans la chaise de Bessette, chez eux, là, une affaire qui a... Puis lui, il a construit de l'astral, il l'a vu à l'astral, puis il l'a construit. Une patente large de même, c'est haut de même. C'est une ancienne chaise de roi au 12e siècle en France. Chaise de on est une... Elle pas de même, pas de... Louis XI. C'est subtil, l'esprit. Tu manques pas... Tu manques à rien. Quand t'es dans l'esprit, tu manques à rien. Là, c'est parce qu'on se connaît depuis longtemps, je peux m'asseoir ici. Mais au début, ça m'a créé des petites tensions. Au début. Je m'assois là. D'ailleurs, je m'assois dans une petite chaise au début. Là, les gens me connaissent, fait que je m'assois dans la grotte. C'est subtil, l'esprit. C'est ça que plus on rentre dans notre esprit, plus on souffre de notre esprit. C'est ça qu'éventuellement, quand on est avec des gens, quand on est avec des femmes, des maris, nos enfants, nos familles, nos amis, il faut prendre ça ici, Charlie. Parce qu'on devient névrosé. Ma femme, elle appelle ça la névrose cosmique. Elle a raison. L'ajustement des corps, puis la perception, puis la perception, puis la perception, puis la perception, tu vois tout, tu sens tout. Tu deviens névrosé. Moi, je suis totalement névrosé. Mais je contrôle l'énergie. Des fois, c'est tard. Hein? Seigneur. Deux ans, il y a du monde pour voir. Y en a-tu qui commencent à être névrosés un petit peu? Qui savent ce que je veux dire par névrosé? Tu commences un petit peu ce que je veux dire? Y en a qui me disent. C'est pas naturel. C'est pas que tu fais. Ouais, on peut dire qu'on se fait dire. Ben, c'est pour ça, Bernard, en étant vibratoire, c'est pour ça qu'on ne se rappelle plus de rien. Hein? Heureusement que vous ne rappelez pas de rien. C'est qu'on vient de ce que j'avais dit l'autre fois, là, des gens qui impriment sur le papier ce que je dis, là, puis qui lisent ça après, là. Il y en a un qui s'est fait sauter, je comprends. Ça reste dans la mémoire, cette affaire-là, puis il travaille avec ça, puis moi, je parle pas pour l'intellect. Fait que tu comprends que l'intellect, il en fait d'overtime. Le gars, il s'est zigouné. Puis j'avais dit à l'autre, lisez pas ce que je dis. Quand j'écrirai, ça sera d'une autre vibration. Je descendrai la vibration. Mais allez pas lire ce que je dis. Quand je vous parle, vous l'oubliez. Fait que c'est parfait, vous êtes safe. Et si vous gardez ça dans votre mémoire, c'est pas bon. Heureusement que vous oubliez ce que je vous dis. L'autre, il lisait ça, puis il lisait ça, puis il lisait ça, mais éventuellement, c'est ce que tu veux. Mais les gens ne me croient pas quand je leur dis quelque chose. Pas parce que je leur ai pas dit, je leur ai dit pas me voir, mais parce qu'ils ne m'écoutent pas. Je ne peux pas demander au monde, moi, de me comprendre et de me savoir. Il faut qu'ils savent même pas eux autres, même pas ceux qui me savent, moi. Et quand je dis quelque chose, je sais ce que je dis. Quand je dis, lisez pas des textes que je vis, mettez pas ça sur papier. Je sais pourquoi. C'est pas parce que je veux pas que les gens le lisent. Je suis passé ce stage-là. Pas un petit gars. Ouais, il dit que c'est pas mal tout, ça, ouais. Quand tu penses, ça vient du monde des esprits. C'est pas que m'être de recommencer en gros. D'abord, je pense pas. Deuxièmement, j'écoute ce qu'ils me disent. Puis troisièmement, j'ai pas de lien avec le monde des esprits. Voilà, tu. Le monde des esprits, c'est des égaux morts. La lumière, c'est pas le monde des esprits. C'est le monde de la lumière. Il y a des êtres là-dedans. Comprends-tu? Comprends? Oui. Bon, c'est ça. Je communique avec eux autres.